and the City sur Fadjet. La musique de toutes les cultures. Présenté par Jérôme. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Nouvelle semaine, nouvel épisode inédit de votre Music and the City en direct des studios de Fadjet à Nancy. Une fois n'est pas coutume, je vais vous faire voyager ce soir et au sens propre du terme, puisque nous allons découvrir pas moins de 5 titres en 5 langues différentes. Nous démarrons par le Japon et nous descendrons lentement par l'Indonésie pour arriver en Allemagne. Oui, c'est ça la magie de Music and the City. Mais sans plus attendre, nous débutons par un petit verre de vodka avec la chanteuse russe Julia Volkova. Cet ex-membre du groupe Tattoo est plutôt connu pour ses frasques médiatiques que pour sa musique, mais ça, c'est un autre débat. Non, ce soir, elle nous présente le titre « Dzerji Riadom » paru en 2015. Alors, bonne soirée sur l'antenne de Fadjet et bon appétit à tous, en musique bien évidemment, avec Julia Volkova. Чистую, грязную, слабую, сильную, летнюю, зимнюю. Отпусти мимолетность фраз с поверхности души. Сегодня и сейчас мне принадлежит. Держи меня. Music and the City vous fait découvrir des thèmes ensoleillés sur Fadjet. Dans un monde musical international où les artistes US dominent les ondes, on peut parfois quand même trouver des petites pépites bien plus près qu'on ne le pense. notamment chez nos voisins allemands. Alors vous vous souvenez bien évidemment du tube de Neva, Nine Unnützliche Luftballons. C'est un autre artiste germanique ce soir qui a également percé en France, mais cette fois dans les années 90. Son nom, vous ne vous en souviendrez sans doute pas, mais la chanson, c'est certain, vous la connaissez. Laissons donc place tout de suite maintenant à Gröngermann et son titre Girls in Love. Je sais déjà que ça va faire plaisir à la Miguel de l'émission Vinyl Maniacs. On le rappelle d'ailleurs, Vinyl Maniacs diffusé un jeudi sur deux de 20h à 21h en direct sur Fadjet. Donc Gaël, petite dédicace, c'est pour toi. Music and the City. La musique des jeux vidéo. Sur Fadjet. Arrêtons-nous désormais au pays du soleil levant. Le Japon regorge d'artistes plus atypiques les uns que les autres, et surtout le pays est bien connu pour être le premier producteur mondial de jeux vidéo. Et les consoles, vous commencez à le savoir, c'est un peu mon dada. Je vous ai déjà parlé à deux reprises de la trilogie Final Fantasy XIII, en vous proposant les thématiques de chacun des deux premiers épisodes, mais en anglais. Là, je viens de terminer le dernier volet, et après quelques larmes au coin de l'œil, j'avoue, j'en arrive à me demander si je ne vais pas recommencer à nouveau ces jeux. Bon, là n'est pas la question, revenons plutôt aux bandes-son. Le premier épisode, donc, s'est vu proposer deux versions à sa sortie en 2009, différence majeure surtout sur la bande musicale. Là où le Japon a eu droit à un thème chanté en japonais, le reste du monde, lui, a eu droit évidemment à un thème en anglais. Alors dans le cadre de notre émission Tour du Monde, je vous propose de découvrir le titre Kimiga Irukara, le thème japonais donc de ce célèbre Final Fantasy XIII. Et vous allez voir, c'est beau, c'est très très beau. évadez-vous sur Fadjet dans Music and the City. Je vais vous parler d'un artiste bien de chez nous, Jonathan Cerrada. Le jeune Belge, ayant remporté la première édition de La Nouvelle Star sur M6 en 2002, a beaucoup changé. Connu et reconnu avec le titre « Je voulais te dire que je t'attends », la suite de sa carrière se passe sous le feu des projecteurs avec des expériences, on peut le dire, uniques. Notamment représentant de la France au concours 2004 de l'Eurovision, ou un rôle dans la série espagnole « Un dos tres », rôle-titre également d'une comédie musicale. Vous l'avez compris, le jeune homme de 32 ans est un véritable touche-à-tout. Malheureusement, en 2014, un terrible coup du sort, puisque son frère aîné décède des suites d'un accident sur son lieu de travail. Là, le chanteur est dévasté et va faire aussi son deuil dans le silence les plus total. En 2015, il annonce tout de même timidement sur les réseaux sociaux qu'il quitte l'Europe pour repartir à zéro. Et on le retrouve aujourd'hui, en Indonésie, à Bali plus précisément, en pleine forme, avec un nouvel album à paraître et un premier titre en indonésien. Et oui, Lelaki est une superbe ballade que vous devez absolument découvrir, et puis c'est justement le moment de l'apprécier à sa juste valeur, en exclusivité, sur Fadjet, bien sûr. Terbangkan aromamu yang terwangi seumur hidupku, ku kembali dihantui kehampaan menyesaki hati. Hancur sudah semua impian, kau luluh lantakan, kau ciptakan semua jurang. Aku terbuang, kau rampas mimpi, kau bakar hati. Cinta yang ku beri kau dustai. Ada lelaki lain di hati, membuangmu jadi lupa diri. Lukai ku lagi, lukai ku lagi. Pantas saja semua rasa kau sirnakan begitu saja. Tak kusangka rumah kita sekarang kau tinggal di tengahnya. Kau ciptakan sebuah jurang. Aku terbuang, kau rampas mimpi, kau bakar hati. Cinta yang ku beri kau dustai. Ada lelaki lain di hati, membuangmu jadi lupa diri. Les artistes oubliés reviennent dans Music and the City. Hello, Samantha. And this is WCDA. Are you there? Allez, pour terminer, un petit tour chez nos amis américains avec un artiste incroyable des années 80 et 90. Une voix au perché, je précise que ce n'est pas la mienne malheureusement, un style dansant et pop dance, vous avez peut-être reconnu notre petit bonhomme chauve préféré, Jimmy Somerville. Alors on ne présente plus cette immense star de la chanson, mais on apprécie tout de même de redécouvrir un répertoire inoubliable. You Make Me Feel, Comment Te Dire Adieu, ou encore Don't Leave Me This Way. Et bien justement, tiens, une petite version live de Don't Leave Me This Way pour vous faire danser encore et encore. Pas mal, non ? Allez, c'est parti, tout de suite sur Music and the City. Music in the City sur Fadjet. Fin de l'émission, je rends l'antenne, bien évidemment, il est l'heure de se quitter. Mais se quitter juste pour ce soir, puisque vous pourrez retrouver l'émission en podcast à partir de demain soir sur le Fadjet de l'émission, le Facebook de l'émission, Fadjet-Music and the City, et également la rediffusion le samedi à 18h30. Mais peut-être que nous sommes déjà samedi et que vous écoutez déjà cette rediffusion. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité chaque semaine. Ça fait toujours très plaisir. Venez très nombreux sur le Facebook. Je vous y attends. Et je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même animateur, même radio. Ciao, ciao.